franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Elle est belle, ses longs cheveux noirs masquent à peine l'or de ses boucles d'oreilles et retombent sur un discret collier. Son visage au trait fin est celui d'une adolescente, Naïra, à 15 ans. Mais malgré son jeune âge, ce 10 octobre 1990, elle s'exprime crânement devant les représentants des comités des droits de l'homme des deux chambres du Congrès américain, même si parfois sa voix s'embue et qu'une larme perle au coin de ses yeux. Naïra, un prénom d'emprunt destiné à la protéger, elle et sa famille, ont affirmé le démocrate Tom Lantos et le républicain John Forter, raconte. Engagée comme volontaire à l'hôpital koweïtien Al-Adan, peu après l'invasion de son pays par les forces irakiennes, elle a été témoin de scènes effroyables. Des soldats armés ont pénétré de force dans la maternité. Ils ont arraché les bébés des couveuses où ils reposaient, se sont emparés des incubateurs et ont précipité sur le sol ces enfants prématurés qui ont agonisé dans le froid. L'adolescente pleure. Sénateurs et représentants sont saisis par l'émotion. La frêle Naïra a parlé 6 bouleversantes minutes. L'information ne tarde guère à franchir l'enceinte du Congrès. Elle est reprise par tous les médias. La conclusion fait l'unanimité. Saddam Hussein, chef suprême d'une armée capable de se livrer à des actes aussi ignominieux, ne peut être lui-même qu'un monstre. Cette histoire, battu et rebattu, sera l'un des arguments décisifs employés par tous ceux qui voulaient à tout prix en découdre avec le dictateur irakien. Mais c'est seulement après la guerre qu'on découvrira que Naïra avait tout inventé. Et pour M. X, l'histoire des couveuses n'est que le spectaculaire sommet d'une manipulation qui a commencé bien plus tôt, un prodigieux bobard qui a quand même conduit à la mort des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. conviction est faite depuis longtemps. En 1990, on a tout fait pour piéger Saddam Hussein, c'est-à-dire le pousser à la faute. Ouais, envahir le Koweït, quoi. Oui, et ensuite, tout naturellement, on a décidé de le punir, non sans avoir préalablement préparé l'opinion à la guerre. Une formidable coalition a été réunie pour le chasser du territoire qu'il avait indûment occupé. Et on en a profité au passage pour envahir une bonne partie de l'Irak et surtout contrôler son pétrole. Ouais, ça, c'est le fameux accord pétrole contre nourriture. Hein. Oui, alors voyons ça plus précisément. Il faut quand même dire que Saddam Hussein a fait preuve d'une extrême bonne volonté pour tomber dans ce piège. Je suis d'accord. En 1990, l'Irak sortait de la terrible guerre qui l'avait opposée pendant presque une décennie à son voisin iranien. Les Irakiens avaient dû acheter pour des milliards de dollars d'armement et ils s'étaient durablement endettés. Cette question va jouer un grand rôle dans ce qui va suivre. Et qui leur avait prêté, alors ? D'abord, bien sûr, des banquiers arabes, saoudiens ou koweïtiens. Et encore des établissements financiers des Émirats Unis. Tous ces gens-là pouvaient difficilement refuser, car Saddam Hussein mettait en avant qu'en luttant contre les Iraniens, il protégeait aussi tous les États arabes du Golfe contre un éventuel expansionnisme iranien. Ce qui n'était pas faux. Hein. Absolument, mais il était aussi fortement endetté auprès de ses fournisseurs occidentaux d'armes. Ouais. Et on lui avait prêté sans hésiter. Alors. Les Irakiens avaient la réputation d'être de bons payeurs. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait le pétrole. L'Irak possède les secondes réserves pétrolières au monde. Donc on avait confiance. Tout à fait. Et tant que la guerre irako-iranienne durait, eh bien à l'Ouest, on ne mesurait pas son soutien à un pays qui avait le mérite de tenir tête à ces tyrans des ayatollahs qui inquiétaient tant. Au fond, on faisait la guerre à l'Iran par procuration. C'est exact, oui. Ça explique qu'on fermait pudiquement les yeux sur les exactions irakiennes et en particulier l'utilisation sur le front de l'arme chimique. Ouais, l'arme chimique qui sera ensuite utilisée par Saddam Hussein contre le peuple kurde. Oui, dès la fin de la guerre avec l'Iran. Il s'agit alors pour Saddam Hussein de terroriser les Kurdes et de les pousser à l'exil. Mais les Occidentaux qui avaient massivement soutenu le dictateur irakien et qui avait même aidé à fabriquer ses armes chimiques, hésitait encore à rompre. Pourtant, cette attaque au gaz là, dans les villages du Kurdistan a provoqué une grande émotion. Hein. Après enquête, une commission du Congrès américain a même demandé qu'un embargo soit décrété contre l'Irak. Mais l'administration de Washington a traîné les pieds et accordé sa garantie à de nouveaux prêts en faveur de Bagdad. Des prêts destinés à l'importation de produits agricoles. Ouais. Les Américains ne voulaient donc pas rompre avec Saddam Hussein. Apparemment non. Et pourquoi cette réserve-là ? En combattant l'Iran et en affaiblissant de façon durable, les Irakiens avaient tenu leur rôle, mais on n'avait plus forcément besoin d'eux. Pire, on se rendait soudain compte qu'on avait fabriqué un monstre. Un monstre à cause des armes chimiques irakiennes ? Pas seulement. Les stratèges américains réalisaient que l'Irak risquait de devenir une superpuissance dans la région. Une puissance qui n'allait cesser de se moderniser et qui, à terme, disposerait de l'arme nucléaire. Bref, on avait joué avec le feu. En quelque sorte. Les plus inquiets étaient aussi les plus fidèles alliés des États-Unis. Les Israéliens. Naturellement. Ouais. Saddam Hussein avait toujours été la bête noire de l'État hébreu. Et c'est pourquoi, pendant cette première guerre du Golfe, les Israéliens avaient poussé Washington à aider clandestinement Téhéran. Et ça donnera le scandale de l'Iran-Gate. Et de leur point de vue, tant que la guerre irako-iranienne se poursuivait, ils étaient à l'abri. Parce que c'était deux de leurs ennemis qui se combattaient. Ouais, mais maintenant que le conflit est terminé, là, les Israéliens craignent qu'un jour Saddam Hussein ne les attaque. Déjà, avec les fusées perfectionnées dont ils disposent, Saddam Hussein peut atteindre Israël. L'inquiétude israélienne est donc légitime. En avril 90, Saddam Hussein menacera solennellement de frapper Israël avec ses armes chimiques. Et donc les Israéliens mettent en garde Washington. Et demandent que les Américains cessent de considérer l'Irak comme un allié potentiel. D'autant que l'affaiblissement progressif du camp soviétique change la donne. La guerre froide s'éloigne et au Pentagone, peu à peu, on cesse de donner la priorité à la menace soviétique. Quelle est la nouvelle priorité, justement ? La défense des intérêts américains, et en particulier la protection des ressources naturelles indispensables aux États-Unis. À commencer par le pétrole, dont les plus riches gisements se trouvent justement au Moyen-Orient.

Saddam Hussein réclame donc à corps et à cri que les Émirats et surtout son voisin, le Koweït, respectent les quotas pétroliers afin que le prix du baril remonte. Mais l'émir Jaber ne cède pas. Il oppose même un refus cinglant à son puissant voisin. Ouais, il prend des risques, non ? Absolument. Car en cas d'agression irakienne, le petit Koweït ne ferait pas le poids. Or, l'émir Jaber n'a pas du tout l'air inquiet. Pourtant, il sait fort bien que Saddam Hussein, pour des raisons historiques, considère que l'émirat est partie intégrante de l'Irak. Ouais, sa 19e province, hein, comme le dira Saddam. Bah, jusqu'au bout, c'est-à-dire le 2 août 1990, l'émir ne croit pas à l'agression irakienne et refuse donc de céder à Saddam Hussein. Ouais, il a reçu des assurances. Ça me paraît évident. Il n'y a que deux possibilités. Ou bien on lui a garanti que jamais l'Irak ne l'attaquerait, ou alors on lui a promis qu'on le défendrait. Donc selon vous, là, on l'a encouragé à rester ferme face aux exigences irakiennes. Je le pense, parce qu'on voulait pousser Saddam Hussein à la faute, c'est-à-dire à attaquer le Koweït. Ouais, ça, c'est ce piège dont vous parliez. Oui. Ben alors qui ? Je pense que Washington, en usant sans doute d'intermédiaires arabes, saoudiens ou égyptiens, a dû jouer un rôle. En fait, assez tôt, c'est-à-dire peu de temps après la fin de la guerre irako-iranienne, les Américains avaient décidé qu'il leur faudrait un jour mettre à bas la puissance irakienne. Ouais, c'est-à-dire abattre ce monstre qu'ils avaient contribué à engendrer. En quelque sorte. Ouais. Après tout, ne s'est-il pas passé à peu près la même chose avec Ben Laden ? D'abord allié, puis ennemi. Mais quand vous dites que les Américains avaient décidé de briser Saddam Hussein, là, vous avez des preuves ou il s'agit d'une simple hypothèse ? Non, c'est beaucoup plus qu'une hypothèse. Dès la fin de l'année 89, le Pentagone a étudié un plan d'intervention contre l'Irak. Avec l'aval du pouvoir politique ? Le secrétaire à la Défense ne pouvait l'ignorer. Ça signifie que les États-Unis prenaient déjà en compte le danger que représentait Saddam Hussein dans une région aussi sensible. À cause d'Israël et du pétrole. Oui, les Américains avaient fait leurs calculs. Si Saddam Hussein s'emparait du Koweït, il disposerait à lui seul de 20% des réserves mondiales de pétrole. Et si en plus il s'attaquait un jour à l'Arabie Saoudite, c'est 40% des réserves mondiales qu'il contrôlerait. Les États-Unis ne pouvaient pas l'accepter. Ouais, ça voulait dire qu'à Washington, on pensait que tôt ou tard, Saddam Hussein attaquerait. Certainement. On n'entretient pas une armée de centaines de milliers d'hommes complètement disproportionnée dans un pays d'une vingtaine de millions d'habitants pour la garder dans des casernes. Donc finalement, vous trouvez que les Américains avaient de bonnes raisons d'agir comme ils l'ont fait ? Écoutez, ça n'est certainement pas moi qui vais tresser des couronnes à Saddam Hussein, hein, qui était un dictateur de la pire espèce et qui a longtemps soutenu le terrorisme international. Mais j'essaie simplement de vous montrer comment les États-Unis ont agi pour le pousser à la faute. Et si vous voulez mon avis, je ne suis pas persuadé que la guerre avec son cortège de morts et de ruines était le meilleur moyen d'affaiblir Saddam Hussein. Que fallait-il faire ? L'embargo, décidé après l'attaque du Koweït, commençait à produire des résultats. On aurait pu le poursuivre et même le durcir. Je ne suis pas seul à penser ça. C'était aussi l'opinion du chef d'état-major américain, Colin Powell. Sans surprise, le 2 août 1990, Saddam Hussein envoie donc ses chars au Koweït. Une attaque que les diplomates et les services de renseignement ont anticipée, en particulier grâce aux photographies satellitaires. D'une certaine façon, on a laissé faire. Je le pense. Rien n'a été fait pour améliorer la défense du Koweït ou dissuader sérieusement Saddam Hussein. En le menaçant ? Bien sûr. Ou en faisant pression sur les États du Golfe pour qu'ils satisfassent au moins en partie les revendications de Saddam Hussein. Pire, on lui a même envoyé une sorte de feu vert. Ah bon ? Qui est toujours les Américains ? Oui, le 30 juillet, donc 3 jours avant l'agression irakienne, le sous-secrétaire d'État chargé du Moyen-Orient, John Kelly, témoigne devant une commission du Congrès. On lui pose la question, et si l'Irak attaquait le Koweït ? Est-ce que l'armée américaine interviendrait ? Ouais, réponse alors ? Le sous-secrétaire répond qu'il ne veut même pas envisager une telle hypothèse, mais tout en affirmant que les Américains se sentiraient concernés. Il souligne que nul traité, nul engagement ne lie les États-Unis au Koweït. Ces propos, qui pouvaient être considérés comme l'affirmation d'une non-intervention des États-Unis, ont été relayés par les radios internationales. Ouais. Ils ont donc été entendus à Bagdad. Et ça a dû conforter Saddam Hussein dans son intention d'attaquer le Koweït. Naturellement. Ouais. Et cette apparente bévue de Kelly là, faisait partie du plan qui consistait à pousser Saddam Hussein à la faute ? C'est possible. Mais la suite est tout aussi intéressante. En fait, la réaction américaine à l'invasion du Koweït a été extrêmement rapide. Si rapide qu'on a même eu l'impression que des mesures avaient été préparées à l'avance. Des mesures, mais lesquelles ? L'arsenal des mesures juridiques, par exemple, permettant de geler immédiatement tous les biens irakiens et koweïtiens à l'étranger. Mais ce qui est plus important, c'est que tous ceux qui ont fréquenté la Maison-Blanche à l'époque ont eu la conviction que George Bush, senior, avait dès le début pris la décision de chasser l'envahisseur irakien du Koweït. Ouais. Alors selon vous, il aurait donc opté très vite pour l'option militaire. Je vous l'ai dit, tous les plans étaient prêts. Mais il fallait aussi parallèlement préparer l'opinion publique, faire une tournée des capitales pour rassembler la plus grande coalition possible et jouer une partie très fine auprès du roi Fahd d'Arabie Saoudite. Alors, bon, voyons dans l'ordre, l'opinion publique. Il faut faire apparaître Saddam Hussein comme l'incarnation du mal absolu. Et ce n'est pas très difficile, car si je puis dire, Saddam y met du sien. Souvenez-vous de l'affaire des otages occidentaux dont les Irakiens se proposent de faire des boucliers humains en cas de bombardement. Mais on assiste aussi à une manipulation médiatique, en exagérant, par exemple, les exactions commises au Koweït par la soldatesque irakienne. Toutefois, je vous propose de voir cela un petit peu plus tard. On a aussi prétendu que Saddam allait posséder la bombe atomique dans les tout prochains mois. Ouais, bref, il faut persuader l'opinion que la guerre est juste et inévitable. C'est ça. Le deuxième point, c'est l'action diplomatique. Non sans talent, les États-Unis s'assurent de la collaboration de leurs alliés occidentaux, mais aussi de la plupart des pays arabes. Et surtout, ils s'assurent du soutien mesuré de l'URSS et de la Chine, membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Puisque le Conseil de sécurité va même condamner l'Irak. Et décider l'embargo avant d'autoriser l'emploi de la force si Saddam Hussein n'obtempère pas. C'est donc incontestablement un grand succès diplomatique pour les Américains. Reste alors le troisième point, la collaboration du roi Fahd. Et là encore, Washington fait fort. Le roi Fahd n'a guère envie d'accepter que des troupes américaines débarquent chez lui. Les Saoudiens, protecteurs des lieux saints de la Mecque et Médine, considèrent que leur sol tout entier est sacré. Alors, les Américains, photos aériennes à l'appui, persuadent le roi Fahd que les troupes irakiennes stationnées au Koweït et massées à sa frontière vont inévitablement passer à l'attaque. Les États-Unis se proposent donc de collaborer à sa défense. Ce sera l'opération Bouclier du désert. Oui, Fahd est convaincu et autorise enfin les militaires américains à débarquer chez lui. Il y aura jusqu'à 500 000 hommes de la coalition en Arabie Saoudite. Et parmi eux, 80% seront américains. Mais là encore, il y a eu supercherie. Supercherie, que voulez-vous dire là ? Saddam Hussein n'avait nullement l'intention d'attaquer l'Arabie Saoudite. Mais les photos ? Des tanks enterrés dans le sable, donc nullement prêts à attaquer. Mais il fallait persuader le roi Fahd que tôt ou tard, l'Irak allait attaquer. Parce que les Américains voulaient absolument stationner leurs troupes en Arabie. Géographiquement, ça se comprend. Ils étaient au plus près du Koweït. C'est vrai. Mais ils avaient aussi l'intention d'y rester après la guerre. Et ce qu'ils ont réussi à obtenir, au moins jusqu'en 2003. Et aujourd'hui, il y a toujours 400 conseillers militaires placés auprès de l'armée saoudienne. Une présence que les fondamentalistes islamiques n'ont jamais acceptée. Et parmi eux, il y avait un certain Ben Laden, citoyen saoudien déchu de sa nationalité. 10 ans plus tard, on en observera les tragiques conséquences aux États-Unis. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Monsieur X l'a promis, nous allons voir comment, dans le détail, l'opinion a été préparée à la guerre. Auparavant, je vous propose cet extrait d'un livre de l'universitaire belge Anne Morelli, « Principes élémentaires de propagande de guerre ». Pour justifier une guerre, la technique est ancestrale. Faites de votre ennemi un tyran, un monstre, le responsable des pires atrocités. L'opinion sera alors de votre côté. Lors de la guerre contre l'Irak, Saddam Hussein, présenté auparavant comme notre meilleur allié contre l'Iran des Ayatollahs, fut comparé au dictateur nazi, même sous son aspect physique. Les récits des atrocités commises par l'ennemi constituent un élément essentiel de la propagande de guerre. Cela ne veut pas dire que des atrocités n'ont pas lieu pendant les guerres, tout au contraire. Ce qui par contre est spécifique à la propagande de guerre, c'est de faire croire que seul l'ennemi est coutumier de ces faits, tandis que notre propre armée est au service de la population, même ennemie et aimée d'elle. Le clou, si j'ose dire, de la propagande anti-Saddam Hussein a donc été cette affaire des couveuses. Ouais, alors ce sont des bébés prématurés, arrachés à leurs incubateurs par les soldats irakiens. Et qu'on a laissé agoniser. En fait, déjà au début du mois de septembre 1990, soit un mois après l'agression irakienne, un quotidien britannique, le Daily Telegraph, avait fait état d'une information semblable. Mais elle avait été peu reprise. Si en octobre, et elle figure désormais à la une de tous les journaux, c'est qu'elle a été portée par les déchirantes et sensationnelles déclarations de Naïra, une jeune Koweïtienne. Ouais, mais un unique témoignage. Non. Un mois et demi après ce jour où Naïra s'est présentée devant les élus états-uniens, un autre témoignage vient conforter les déclarations de la jeune fille. Un chirurgien Koweïtien est auditionné par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Détail significatif, les murs de la salle ont été préalablement recouverts de photographies atroces représentant des victimes présumées des soldats irakiens. Et un affichage réalisé par qui ? Comme ça, je vous le dis dans un instant, parce que ça fait partie d'un ensemble. Le praticien décrit les exactions que subissent ses confrères médecins qui soignent les résistants de son pays. Et il affirme avoir lui-même inhumé une dizaine de ces bébés enlevés de leurs couveuses par des soldats irakiens. Deux jours plus tard, faisant preuve pour une fois d'une redoutable célérité, le Conseil de sécurité adopte la résolution 676 qui autorise le recours à la force contre l'Irak s'il n'a pas retiré ses troupes du Koweït au 15 janvier 1991. Voilà, c'est un feu vert pour la guerre. Ça. Autre confirmation des atrocités irakiennes, elle vient d'une organisation qui ne peut être soupçonnée de faire cause commune avec les bouts de feu qui veulent à tout prix en découdre avec Saddam Hussein. Dans un rapport rendu public le 19 décembre, Amnesty International valide les accusations portées contre l'armée de Saddam Hussein. Les Irakiens ont laissé plus de 300 bébés prématurés mourir après le vol de leurs couveuses dans les hôpitaux de Kuwait City. Ah, et d'habitude, Amnesty plutôt crédible. Et l'organisation ajoute que ses enquêteurs ont interviewé plusieurs médecins et infirmières et que tous ont vu les corps de ces malheureux enfants. L'un de ses praticiens aurait même aidé à enterrer 72 cadavres. Mais c'est plus que troublant, hein. Ouais, d'autre part, l'association pour le Koweït libre, basée à Londres, annonce que 7000 citoyens de l'Émirat ont été exécutés par les Irakiens. Un chiffre immédiatement repris par la presse internationale. Oui, mais c'est quand même l'histoire des couveuses qui demeure la plus spectaculaire. La plus symbolique aussi. Elle fournit des arguments en or aux dirigeants politiques qui entendent mettre le dictateur irakien à la raison. Le plus éminent d'entre eux, George Bush Senior, ne reprend pas moins de 6 fois cette information dans ses discours. L'opinion américaine, d'abord réticente quant à l'idée d'une intervention militaire au Koweït, est chauffée par son président qui, tout au long de l'automne, a déjà envoyé 300 000 hommes dans la zone du Golfe arabo-persique. Tout était donc prêt. Hein. Saddam Hussein est désormais présenté comme un nouvel Hitler et qu'il convient d'aller châtier au plus tôt. D'autant qu'à la tête de la 4e armée du monde, équipée de nombreuses ADM, les armes de destruction massive, il menace d'envahir l'allié saoudien. Conséquence, le 12 janvier 1991, 3 jours avant la date de l'ultimatum fixé par l'ONU, le Congrès états-unien autorise le président à user de la force au Koweït. Lors des débats, 7 sénateurs ont mentionné l'affaire des couveuses. Et la guerre va bientôt commencer. Le 17 janvier, c'est le début de l'opération Tempête du désert. La coalition internationale rassemble 28 pays et 600 000 soldats. Un déluge de feu s'abat sur l'Irak. En seulement 50 heures, la prétendue 4e armée du monde est vaincue. 100 000 soldats irakiens et des dizaines de milliers de civils ont trouvé la mort. Saddam Hussein n'a pas osé se servir de ses ADM et s'est contenté d'envoyer quelques missiles dépourvus de charges chimiques sur Israël. Mais en se repliant, ces soldats ont incendié 600 puits de pétrole qui noient le petit Koweït sous un épais nuage de fumée noire. Ouais, on l'a oublié, mais c'est une véritable catastrophe écologique. Hein. Oui, le 27 février 1991, la guerre est officiellement terminée. Le temps de la vérité est arrivé. Le premier, un journaliste de la chaîne de télévision ABC, qui a rencontré des médecins koweïtiens restés dans leur pays, émet des réserves sur l'affaire des couveuses. Il est suivi par l'envoyé spécial du journal français La Croix, Alain Hertog. Et qu'écrit ce dernier ? Il a enquêté dans la plus importante maternité de l'émirat. Il découvre d'abord que ce service ne reçoit tout au plus que 150 prématurés en même temps. On est donc loin des 300 bébés qui auraient été arrachés à leur incubateur. Le journaliste apprend ensuite que les soldats irakiens ont bien pénétré dans cette maternité où, par précaution, les infirmières avaient remplacé les couveuses les plus modernes par des modèles anciens. Pour ne pas se les faire voler. En effet. Ouais. Après avoir posé quelques questions, ces militaires irakiens sont repartis comme ils étaient venus. Aucun nourrisson n'a été molesté. D'accord, mais il y a quand même eu des exactions, non ? Oui, certaines unités spéciales de l'armée irakienne se sont rendues coupables d'actes criminels. Mais la rumeur et la propagande ont grossi les faits. Nulle trace de charnier n'est découverte et le journaliste enquêtant jusque dans les cimetières recense pour le mois de septembre, période où aurait été perpétré le plus grand nombre d'exactions, 212 enterrements, soit 133 de plus qu'en juillet, avant l'invasion irakienne. Alors ce chiffre-là de 7000 exécutions, hein, annoncé par des Koweïtiens en exil, Il est complètement disproportionné et même purement mensonger. Un mois plus tard, en avril 1991, Amnesty International publie un rapport en forme de mea culpa. Ses représentants au Koweït n'ont pas trouvé de preuves de la mort en grand nombre de bébés retirés de leur couveuse. Ouais, pense sur le bec, hein, comme on dit au canard enchaîné. Cependant, il faut attendre janvier 1992 pour que toute la lumière soit faite. Au terme d'une minutieuse enquête, John R. MacArthur, journaliste du New York Times, révèle la véritable identité de la jeune Nahira. C'est la fille de Saoud Nasser al-Sabah, ambassadeur du Koweït aux États-Unis et membre de la famille de l'émir. La pseudo-Nahira se trouvait à Washington chez ses parents lorsque son pays a été envahi. Elle ne pouvait donc avoir été témoin des scènes qu'elle a décrites avec tant d'émotion. Et pourtant, elle a été très convaincante. Hein. Si la jeune fille s'est montrée si bonne comédienne, c'est que derrière sa prestation mensongère se trouvaient des metteurs en scène particulièrement talentueux. À commencer par un certain John Rundon, patron de la société de relations publiques, Rundon Group. Spécialiste en communication, il a été mis en selle par l'administration Bush, qui l'a chargé en 1989 de superviser la communication de la CIA et du Pentagone, pour 100 000 dollars mensuels. Ah, le bonhomme est cher. Hein. Ah oui, mais il est efficace. En 1990, après l'invasion du Koweït, le gouvernement américain débloque 10 millions de dollars afin de préparer l'opinion publique à une éventuelle intervention militaire destinée à libérer l'émirat. Rundon touche sa part de ce pactole, mais se met aussi directement au service de la riche monarchie koweïtienne. Et pour une opération si importante, là, il a dû être aidé. Oui, oui, oui. Deux autres sociétés de relations publiques ont été associées à l'entreprise. Neil & Co., qui recevra 50 000 dollars par mois. Et surtout, Hill & Norton, l'une des plus puissantes agences internationales qui sera le véritable cerveau de cette campagne. Ensemble, ces sociétés suggèrent d'abord au gouvernement koweïtien la création de cette fantomatique association pour le Koweït libre. Une association bidon, par conséquent. En partie, oui. Toutefois, ce n'est pas suffisant pour frapper l'opinion. D'où l'idée de fabriquer de toutes pièces des preuves attestant que la soldatesque de Saddam Hussein commet des atrocités au Koweït occupé. L'imagination aidant, l'un de ses spécialistes en communication, peut-être Rundon, suggère que des crimes contre des enfants seraient les plus productifs. Ah oui, Saddam Hussein, assassin d'enfants. Ah, c'est ainsi que l'idée des couveuses surgit. Mais cette fable doit être étayée par un témoignage humain propre à traumatiser les citoyens du monde entier. Nahira peut entrer en scène. Ses déclarations devant les deux comités des droits de l'homme du Congrès seront l'élément déclencheur de la campagne de propagande en faveur de la guerre. La jeune fille a donc été coachée, comme on dit aujourd'hui. Selon certaines sources, le véritable metteur en scène aurait été un certain Mike Deaver, ancien conseiller en communication de Ronald Reagan. Un président qui, excellait dans cet art. Quoi qu'il en soit, filmé par les bons soins des opérateurs de l'agence Hill & Knowlton, la vidéo du témoignage de la jeune fille est aussitôt envoyée à 700 stations de télévision sur tout le territoire des États-Unis. Elle est vue par 35 millions de téléspectateurs. Ouais. N'y a-t-il eu d'autres opérations de communication ? Oui, mais enfin plus classiques. Fabrication de t-shirts, impression d'autocollants, Koweït Libre et édition d'une plaquette de 150 pages sur les atrocités irakiennes, largement distribuée. L'ambassade koweïtienne en a acheté pour sa part 200 000 exemplaires qui seront distribués aux soldats américains. Enfin, ce sont ces mêmes communicants qui afficheront sur les murs de la salle du Conseil de sécurité de l'ONU, avec l'efficacité que l'on a vue, des photographies censées illustrer les exactions commises par les soldats de Saddam Hussein. Ouais. Encore des photos truquées. Mais détail révélateur. Les deux élus du Congrès, animateurs des comités des droits de l'homme du Sénat et de la Chambre des représentants, avait aussi créé une fondation dont le siège était hébergé, quasi gracieusement, dans l'immeuble de l'agence Hill & Knowlton. Fondation qui avait aussi reçu une importante contribution de cette même agence de relations publiques. Sachant cela, on comprend mieux l'origine de l'affaire des couveuses. À samedi prochain, Rebecca de Nantes et Pierre Firsion ont préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou pour l'avoir réalisée et à Monsieur Jou pour l'avoir ornée. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.